Bonjour tout le monde, mon nom est David Ferron et je suis très heureux de vous accueillir pour cette édition du 10 avril 2012 de L'Angle dans ton oreille sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Et oui, c'est la dernière de la saison de La Langue dans ton oreille. Par contre, je n'ai pas du tout manqué cette émission parce que ce que je vais faire pour cette édition spéciale, je vais vous diffuser la meilleure de la musique du monde. En fait, ça va être un condensé des chansons que j'ai pu découvrir tout au long de la saison, que j'ai pu vous faire découvrir également et que je tenais absolument à vous faire réentendre ou à vous faire découvrir si jamais vous n'avez pas eu encore l'occasion d'écouter. Ça va être de la musique qui vient autant du Québec que de l'Afrique et même des États-Unis. Bref, je vous réserve des belles surprises pour cette dernière édition. Mais quand je parle de dernière édition, ce n'est pas la dernière édition totale, finale, fin du monde. Mais non, on va revenir pour une édition estivale. Et pour ça, quel va être le contenu de cette édition? Que dire? Ah non, je le garde pour moi, mais je vous réserve de très, très belles surprises. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Nous venons tout juste d'entendre Tikenja Fakoly avec Ouvrez les frontières, mais avant on a entendu la formation québécoise Kodiak avec Fiasco. Et juste pour faire une petite parenthèse, avec Kodiak, je les ai vus en live en Ontario. Et oui, mesdames et messieurs, en Ontario. Et c'est vraiment une bonne soirée. Ils ont beaucoup d'énergie, beaucoup de présence sur scène. C'est sûr que si vous achetez un billet pour Kodiak, ça vaut vraiment la peine parce que c'est un excellent groupe. Mais je vous avais parlé durant l'émission qu'on avait plein de belles surprises. Eh bien, j'ai l'honneur, mais vraiment quand je dis l'honneur, c'est un gros honneur d'accueillir une vedette de la station C'est fou 89.1 FM, c'est-à-dire l'animateur d'Assemblage requis. En fait, un des deux animateurs d'Assemblage requis. Mais le meilleur. Allô? Allô? Mathieu Plante! Hey! T'es en beurre épais, Mathieu! Mais c'est mérité. Surtout, j'aime bien vous écouter, toi et François Marchand, pour l'émission Assemblage requis, qui est diffusée ici sur nos ondes de C'est fou 89.1 FM à tous les matins, le lundi et du lundi au jeudi, de 7h jusqu'à 9h. Exactement. Eh bien, Mathieu, comment tu te sens en tant qu'invité chroniqueur? Ben, premièrement, merci pour l'invitation. C'est très apprécié. Ça fait plaisir d'être ici et de t'entendre ouvrir nos frontières. Pas capable de faire l'accent. Hein? Pas capable. Frontières. Frontières. Ouvrez les frontières. En tout cas, je suis pas capable. J'essaie de faire des accents, je suis pas capable. Mais pourtant, t'es super bon pour parler de n'importe quoi, sauf d'avoir des accents. Oui, c'est ça. Tout le reste, je le comble sûrement à merveille. Oui, du lundi au jeudi, comme tu l'as dit, de 7h à 9h avec François-Olivier Marchand et moi-même, on essaie, nous aussi, d'ouvrir nos frontières en parlant du plus de sujets possibles, des sujets hétéroclites. Mais comme quoi, par exemple? Comme quoi? Excellente question. Que ce soit politique, que ce soit plein air, que ce soit de la lecture, que ce soit de la musique, que ce soit... On a tellement de sujets. Et même toi, David Ferron, j'ai entendu dire que tu avais une chronique à cette émission-là tous les mercredis matin, comme genre, exemple, demain, mettons. Ah oui. À 8h30. Je dois faire de l'autopublicité. À peu près. Tu m'as invité ici pour faire de l'autopromotion, apparemment. Donc, je te renvoie la balle en faisant toi aussi de l'autopromotion pour ta chronique Graines de Pivot. Oui, Graines de Pivot. En fait, on s'était dit que c'était notre dernière émission de la saison hivernale. Par contre, tout le mois d'avril, je vais être en compagnie, à tous les mercredis, 8h30, en compagnie de François et de toi, Mathieu. Oui. En fait, pour ma chronique Graines de Pivot, pourquoi ça vient de Bernard Pivot, chroniqueur et animateur culturel en France pendant de nombreuses années. Bouillon de culture, entre autres, l'apostrophe et quelque chose comme ça. Là. Exactement, et plein d'autres trucs, mais c'est vrai que c'est ces deux émissions les plus marquantes. Mm-hmm. Et en fait, j'ai parlé d'un fait francophone comme demain, j'ai parlé des élections belges. Et oui, finalement, ils ont un gouvernement. Ouh! Bravo à eux. Mais ça a été difficile, puis je leur comprends en même temps. Même nous, on a un gouvernement démocratique. Mm-hmm. C'est ce qu'ils disent, en tout cas. Mm-hmm. Oui, ça a de l'air. Mais en fait, Mathieu, votre émission, j'ai remarqué que vous utilisez beaucoup de groupes ou d'artistes francophones très prometteurs. Tout à fait. Ben, c'est ce qu'on aime, c'est la relève. Évidemment, plus c'est près de nous, plus on l'apprécie et plus on essaie de les faire jouer souvent. Que ce soit, évidemment, là, on dit francophone local, mais aussi des formations anglophones locales, comme, disons, East Road de Shawinigan. qu'on aime beaucoup faire jouer. Mais entre autres, oui, surtout francophone, c'est ce qu'on aime le plus. Dans nos palmarès, il y en a beaucoup. Et c'est ce qu'on fait jouer le plus souvent possible à Assemblage Rock. Mais c'est vraiment excellent. Et même que, il y a même une chanson qu'on va faire jouer tout à l'heure, je vous en dis pas plus, qui a été souvent jouée à Assemblage Rocky, même dans le décompte que t'animes également. Ben, c'est ça, tant qu'à faire de l'autopromotion. Je n'ai les palmarès, les palmarès, c'est fou, c'est les jeudis après-midi entre 14h et 17h avec moi et Jasmine Raymond Drinville. On fait le top 40, top 20 franco, top 20 anglo, des pièces les plus appréciées des animateurs de C'est fou. Et puis ça, ben, ça repasse le vendredi soir puis le lundi après-midi. Fait que les plugs sont faits pour cette émission-là aussi. Ah, ben, c'est bien, mais c'est de l'excellente musique. Mais en fait, une question qui peut paraître très existentielle. Okay. Pour une émission comme Assemblage Rocky qui est utilisée dans une radio campus, ce serait quoi l'impact pour un jeune artiste plein de talent qui est créatif, qui se démarque de la compétition, si je peux dire ça comme ça, ou du restant du genre qu'il pratique, que ce soit rock, pop, expérimental, techno, etc. Pour lui, qu'est-ce que ça amène justement à votre émission? Qu'est-ce que ça apporte au fil des ans? Parce qu'Assemblage Rocky, ça fait des années que ça existe. Oui, on est là depuis 3 ans. Moi, en tant que tel, comme animateur, j'animais avant ça, donc ça fait peut-être 8 ans que j'anime des émissions de musique alternative comme ça. Et ce que ça a de bon, c'est fou en général, c'est vraiment qu'on est ouvert à toutes sortes de musiques. Donc, c'est un artiste qui produit de la musique, ça va être difficile de percer dans des radios commerciales, évidemment. Donc, tu commences par C'est fou, tu essaies de te faire connaître par les animateurs, tu te fais apprécier. Et puis, nous, on a aucune... je dis qu'on a aucune limite, évidemment. Des limites, tout le monde a des limites. Mais on est beaucoup plus ouvert à la variété, à la nouveauté. Donc, commencez par ici et venez nous porter vos CD. C'est sûr qu'on est vraiment ouvert à les faire jouer. Et à les faire jouer, non pas parce qu'on est obligé, mais parce qu'on aime ça. Oui, c'est vrai. Puis même à la jupe, 3 accords sont passés ici avant d'être connus sur le territoire provincial. Exactement. Ils sont pour en nommer des centaines de groupes qui ont commencé par ici. Je pense que la plupart des groupes qui sont bons. Mettons, je pense que je pourrais même continuer cette phrase-là comme ça. Je pense qu'ils sont bons. Oui, c'est vrai, parce que Malajube, on peut pas dire que c'est mauvais, là. Non, c'est ça, mais c'est ça. Il y a des groupes qui sont mauvais, qui ont commencé directement à d'autres radios. Ouais. Ça, on n'est pas obligé de toutes les mentionner, ça. Tu perds pas ton temps. Non, c'est ça. je suis pressé. Sinon, je pourrais passer à oui, une question de musique, c'est important d'être sélectif. Exactement. Faut avoir du goût dans la vie. Faut pas juste écouter ce que les gens disent que c'est bon. Genre. Mais d'ailleurs, t'en as beaucoup. Et pour avoir un aperçu du bon goût de Mathieu Plante, mais également de son co-animateur François-Olivier Marchand, vous pouvez écouter Assemblage Rocky à tous les jours du lundi au jeudi à partir de 7h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Mais en fait, Mathieu, je t'ai invité aussi pour parler d'un événement super important qui va avoir lieu le 26 avril. Parle-nous de cet événement-là. Ben, c'est ce qu'on appelle l'Assemblée générale annuelle de C'est fou et Zone Campus. En fait, c'est le GME QTR, le groupe des médias étudiants de QTR. Comme tu disais, jeudi 26 avril, ça se passe au pavillon de la santé au local 4839. Là-dedans, on va avoir projet. C'est marqué projet sur la feuille. On peut pas en dire plus parce que ça va être comme une surprise qui va être dévoilée lors de cette assemblée-là. Il va y avoir l'élection du CA, entre autres, et puis un paquet d'autres choses. Donc, c'est jeudi 26 avril 2012 à midi et c'est important d'y aller parce que c'est évidemment c'est vos médias étudiants, ils vous appartiennent. C'est vous qui payez votre cotisation à chaque session, vous étant les étudiants. Donc, il faut se présenter pour faire valoir votre opinion et puis voter et puis plein de choses comme ça. C'est bien dit, je pouvais pas le dire mieux que ça, c'était impossible. T'aurais facilement pu le dire mieux que ça, mais bon. Ben, pourquoi tu penses que je t'ai invité de bord? Ben, je sais pas, c'est une bonne question, David! Ça me donne un petit break aussi dans mon... Non, c'est pas vrai, mais non. Mais non, tu travailles fort, David, depuis le début de la session. Et, on a hâte de te retrouver, comme tu dis, pour le mois, pour le reste de... je pense que tu vas être en onde cet été, ou en tout cas... Oui, dès le mois de mai, mais je dis pas quand, quelle heure, qu'est-ce que je fais. Je garde ça toute surprise parce que j'adore faire des surprises à mes auditeurs. J'adore ça. C'est ça, et les gens aiment ça en avoir des surprises de ta part, David. Oui. Parce que c'est tout le temps des belles découvertes. Ben oui. Mais Mathieu, avant de te laisser, parce que je voulais que tu dévoiles le gagnant de notre sondage Facebook, j'ai quelques annonces à faire. D'abord, il y a un spectacle qui va s'appeler « Des vagins et des hommes » qui est inspiré des monologues du vagin qui va être monté par la pièce de théâtre « Jeu de plumes » qui est en fait une pièce qui est de la troupe universitaire de théâtre. Et venez voir ça, ça vaut vraiment la peine. On a d'excellents comédiens qui vont jouer là-dedans. C'est à la salle Pauline Julien à partir de 8h le 19 ou le 20 avril. Et pour les étudiants... on fait un prix spécial à 5$, mais 5$ pour des comédiens aussi talentueux, pour une mise en scène époustouflante de la part d'Ariane Goulet. Mais qu'est-ce qu'on peut demander mieux pour 5$? Mais pour ceux qui sont pas à l'université, c'est 10$. Mais quand même, 10$ pour une pièce de théâtre extraordinaire qui va avoir lieu à la salle Pauline Julien sur la 150 rue Fusée à Trois-Rivières, le 19 et 20 avril à 20h. Que demander de mieux, Mathieu? Ben, je sais pas, je pourrais en demander, mais je suis sûr que je l'aurais pas, parce que ça, c'est comme le top. T'sais. Ah oui, justement. C'est au sommet. Je vais parler en français, c'est une émission sur la francophonie, ici. Au sommet. Ah oui, les sommets de la francophonie. Oui, c'est ça. Hey, faut pas utiliser de l'anglicisme ici, là. Hey, bon, faudrait juste que tu deviennes un chroniqueur régulier. Ah oui, de quoi je parlerais? De ta promotion? Je pourrais plugger chacune de mes trois émissions. Oui. Plus les meilleurs moments, tant qu'à ça. Oh, les vendredis matins. Oh, oh, hein, on pourrait appeler ça Radio Mathieu Plante. Hey, pour vrai, CMAT. Hein, c'est ah. CFOI. Ah ben oui, c'est MAT, comme maté quelqu'un, regardez. Comme maté quelqu'un. Oui, oui, et les Français disent ça. Mais c'est parce que c'est une radio, on écoute. Oh, toi, là, j'ai plus rien à dire, tu m'as eu. 1-0, bravo. Oh, bruit de fouette en plus. On ressort le bruit de fouette, s'il te plaît. Oui. Wouhpa! OK, ça va faire. Je suis tout déstabilisé 1-1 pour toi, Mathieu. Hey, cool! Yeah, ça me fait plaisir de le te donner, mais en fait, pour revenir à notre sondage... Oui. La langue dans ton oreille. En fait, on a un site Facebook, La langue dans ton oreille. Pour replacer ça, vous tapez Facebook, La langue dans ton oreille, et vous voyez, c'est très simple. Vous voyez des petits chats pour commencer. C'est quand t'arrives là, moi. C'est toi qui as trouvé la photo? Les petits chats avec la langue dans l'oreille de l'autre chat. C'est très classe. Ben merci, parce que vraiment, ça attire l'attention. Mais allez là, puis en fait, il y a eu un sondage parmi nos fans Facebook, parce que j'ai diffusé quatre chansons québécoises, c'est-à-dire Ce que je voudrais de Fanny Blum, La force de gravité, Des surveillantes, et... Hôtel Amour d'Ariane Moffat, mais aussi notre chanson qui s'appelle Obsolète de Mono Grenade. Et la chanson gagnante entre ces quatre chansons, quelle est? Bruit de tambour. Ah, OK, mais t'es meilleur pour les effets sonores. Hé, hey, le gagnant, hein? Allez, je te laisse te le dire. C'était Mono... Je te laisse. Comment? C'était bien allez, ça? Allez, vas-y. Mono Grenade. Oui! Oui, ah, wow. Avec j'ai quelle peur. Chanson? Ah oui, c'est vrai. Ben, c'est mono grenade, c'est comme une seule grenade explosive. Ben, c'est ça. Faut tu mettes un point d'exclamation. Fait, c'est mono grenade! Ah! Ah! Et la pièce, c'est quoi? Eh bien, c'est obsolète de mono grenade. Et parmi nos votants, on a eu, en fait, l'animateur Maxime Tanguay, qui anime à chaque lundi à 17h, de 17h à 18h, avec son collègue co-animateur Alex Drouin, tout au lien, qui est en fait une émission de bien douteux. Simple à dire, des liens douteux entre les chansons. Donc, on prend n'importe quel mot et puis on fait des liens entre ces pièces-là. Ça n'a aucun sens, ça ne se tient pas du tout, mais c'est super bon. Divertissant à mort. Ben oui, puis ça permet de découvrir plein de musiques qu'on ne connaît pas. Exact. Et aussi une onde de nos répondantes, Alexandra Carignan, qui anime avec sa collègue Mélissa Beaupré le Boudoir à tous les lundis de 16h à 17h. Et ça, c'est une émission avec des conseils de sacoche, des gadgets inutiles pour mettre dans votre sacoche de fille. Il y a aussi des conseils sûrement de maquillage et d'affaires comme ça. Mais non, c'est super intéressant, rempli de chroniques. Il y a la ladies de la semaine, la lady de la semaine. Oui, hein? Puis hier, c'était Agatha Christie. Oui, exactement, l'auteur Agatha Christie. Toujours intéressant d'avoir une petite biographie autour d'un personnage qu'on pense connaître, mais que dans le fond, on connaît pas tant que ça. T'sais. Donc, c'est Le Boudoir, c'est à 16h les lundis. Ces deux émissions-là, dos à dos, comme on dirait en français, ça fait un combo gagnant. Ben oui, c'est ça. Ça vaut vraiment la peine. Là, au lieu d'écouter des chansons que vous écoutez tout le temps, tous les jours, je nommerai pas lesquelles, mais écoutez ça. Tout au lien à 16h le lundi. Et non, Boudoir à 16h, c'est ça. Oui, c'est vrai, je suis tout mêlé. Et à 17h, tout au lien. Et justement, tant qu'à être là, c'est organisé plus à l'avance, mettons, comme, tu sais, et laissez votre radio ouverte la journée, évidemment, parce que c'est les palmarès, c'est fou, juste avant, à 13h. Pas pire, hein, comme plug. Excellent. Puis c'est rediffusé, je pense, ou c'est la version originale le jeudi, si je me trompe pas, le vendredi. Vas-y. Non, Le Boudoir et tout au lien, c'est le dimanche. La rediffusion en après-midi. Ah ben, excellent. Voilà. Super. Quand c'est bon, ben on veut vous le faire savoir. Allez, ça vaut vraiment la peine avec Assemblage requis, Le Décompte, avec Tout au lien et Le Boudoir et plein d'autres émissions. Bref, toute la programmation de Cifou vaut vraiment la peine. Oui, et elle est disponible sur le cifou.ca si ça vous intéresse. Allez vous renseigner sur nos différentes émissions. Ça se passe juste là, cifou.ca. Wow, puis vous pouvez même les écouter en rediffusion. Bref, ça vaut vraiment la peine. Mais de mon côté, en tout cas, Mathieu, un très gros merci d'être venu à mon émission. Et merci à toi d'avoir animé cette émission-là toute la session, David. Ben, ça me fait plaisir, mais je voudrais sérieusement, sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, je voudrais d'abord remercier le directeur de la programmation, Alain Lefebvre, qui m'a accueilli pour me permettre de vous utiliser de la très bonne musique. Aussi, j'ai vraiment des collègues fantastiques, Danny Janvier, qui anime le Dîner de con avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante, à qui je rappelle anime Assemblage requis, mais également, je suis vraiment bien entouré là-dessus, je suis vraiment gâté, mais aussi, un gros merci à vous, chers auditeurs, parce que sans vous, il n'y a aucune motivation, pardon, excusez-moi, c'est les émotions de vous parler, mais je suis vraiment content de vous parler à chaque semaine, le mardi à 14h, de vous faire diffuser de la musique, mais souvent entre-temps, avant la saison estivale, vous voulez me faire découvrir de la musique francophone de partout dans le monde, n'hésitez pas, ça va me faire super plaisir, mais en tout cas, un très gros merci, et là-dessus, je vous laisse avec une super bonne chanson, je vous le promets, vous allez l'adorer, c'est en fait Obsolète de Mono Grenade, et merci encore d'avoir été à l'écoute, et je vous souhaite une très bonne fin de saison hivernale, et pour tous les étudiants, lâchez pas, ça finit bientôt la session, vous allez en profiter, mais lâchez pas, gang, je vous adore. Et sur ce, passez une très bonne après-midi. Merci, au revoir. Allez, on lâche pas l'ordinateur, t'es capable. Lance la grenade, là. Les chevaux. Ben oui, je vais en profiter aussi pour mettre la sécheuse après ça, parce que quittez pas, parce que non seulement on a de très bonnes émissions d'intérêt divers, mais aussi on a la sécheuse, le meilleur de la musique alternative qui va brasser vos oreilles, mais qui va vous permettre de purifier vos tympans de la super bonne musique alternative. Restez à l'écoute sur les ondes de C'est Fou 89 FM. Yeux de squelette entre la mâchoire et le cerveau d'allumette. Raconte une histoire, fais-moi chauffer la tête. Et j'ai Montréal, Istanbul et Bruxelles. Sometimes.